Ésaïe chapitre 64. À la mienne volonté que tu fendisses les cieux, et que tu descendisses, et que les montagnes s'écoulassent de devant toi. Comme un feu de fonte est ardent, et comme le feu fait bouillir l'eau, tellement que ton nom fut manifesté à tes ennemis, et que les nations tremblassent à cause de ta présence. Quand tu fis les choses terribles que nous n'attendions point, tu descendis, et les montagnes s'écoulèrent de devant toi. Et on n'a jamais vu ni entendu des oreilles, ni l'œil n'a jamais vu de Dieu hormis toi, qui fit de telles choses pour ceux qui s'attendent à lui. Tu es venu rencontrer celui qui se réjouissait, et qui se portait justement, ils se souviendront de toi dans tes voies, voici, tu as été ému à indignation parce que nous avons péché, tes compassions sont éternelles, c'est pourquoi nous serons sauvés. Or nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toutes nos justices sont comme le linge le plus souillé, nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos iniquités nous ont transportés comme le vent. Et il n'y a personne qui réclame ton nom, qui se réveille pour te demeurer fortement attaché, c'est pourquoi tu as caché ta face de nous, et tu nous as fait fondre par la force de nos iniquités. Mais maintenant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tout l'ouvrage de ta main. Éternel, ne sois point excessivement indigné contre nous, et ne te souviens point à toujours de notre iniquité. Voici, regarde, nous te prions, nous sommes tout ton peuple. Les villes de ta sainteté sont devenues un désert, Sion est devenue un désert, et Jérusalem une désolation. La maison de notre sanctification et de notre magnificence, où nos pères t'ont loué, a été brûlée par le feu, et il n'y a rien eu de toutes les choses qui nous étaient chères qui n'aient été désolées. Éternel, ne te retiendras-tu pas après ces choses, et ne cesseras-tu pas, car tu nous as extrêmement affligés.